Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. Le président de l'Olucom révèle qu'un montant de plus de 21 milliards de francs burundais a été retourné dans les caisses de l'État, mais personne ne connaît quoi que cette somme a servi. Vous l'entendrez. Et plus de 50 ménages de la cellule Kizingwe-Bihara en zone Kanyosha de la commune urbaine de Mouha réclament de l'électricité. Ils disent avoir payé depuis longtemps pour le raccordement. Hors de nos frontières, une maladie cousine d'Ebola a déjà tué 5 personnes en Tanzanie. 3 patients sont hospitalisés alors que 161 contacts sont suivis par les autorités. Et en actualité, hors du continent africain, un peu partout en France, des rassemblements et des manifestations se sont organisés ce jeudi pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme contestée des retraites. Voilà pour le sommaire. Oh bonjour, je venais de vous le dire, un montant de plus de 21 milliards de francs burundais a été retourné dans les caisses de l'État, mais personne ne connaît à quoi cette somme a servi. Cette révélation a été faite ce jeudi lors d'une réunion sur le recouvrement des fonds détournés au Burundi pour l'exercice budgétaire 2018-2022 par le président de l'Olucom, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Gabriel Ufjiri souhaite que les citoyens sachent comment cette somme recouvrée a été utilisée. Suivez-le. Plus particulièrement, comme vous le savez, l'article 69 de la Constitution burundaise stipule que un bien public est sacré et inviolable. L'alinéa 2 de cet article stipule que tout citoyen a un devoir de protéger la chose publique. Ça a été prouvé sur base des chiffres que les détournements qu'on observe sont là et même malheureusement les corrompus dans certaines mesures ne sont pas inquiétés. On vous a montré des chiffres, vraiment des chiffres qui ne sont pas du tout satisfaisants, mais au niveau de la loi, de règlement budgétaire, du compte et du compte rendu budgétaire, exercice 2021-2022, montre qu'il y a 21 milliards, plus de 21 milliards qui ont été reçus par les services publics concernés. Mais en regardant l'intitulé de cette rubrique et en comparant avec l'intitulé qui concerne le recouvrement des fonds détournés, il est clair que ce montant de 21 milliards est venu de quelque part. On ne sait pas si ce sont les fonds que le chef de l'État nous a parlé qu'il y a des personnes qui sont en train de remettre l'argent. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas les personnes concernées qui ont remis ces montants. Mais ce qui est sûr, si la rubrique recouvrement des fonds détournés, il y a zéro. Il n'y a aucun frein. Ce qu'il faut, il faut vraiment que les services publics soient à l'œuvre pour que la chose publique soit protégée. Gabriel Ufjiri, c'est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Plus de 50 ménages de la cellule Kizingwe-Bihara de la zone Kanyosha en commune urbaine de Mouha se disent inquiets de n'avoir pas encore eu de l'électricité alors qu'ils ont payé depuis longtemps les frais de raccordement à la régie des eaux. Les autorités à la base confirment cet état des lieux et signalent qu'ils sont sous menace de vol nocturne et demandent que cette cellule soit électrifiée comme d'autres quartiers de la capitale économique Bujumbura. C'est un reportage de Grâce Bikorimana. La cellule Kizingwe-Bihara se trouve au sud de la zone urbaine de Kanyosha. Elle est subdivisée en deux parties. Une viabilisée et autre occupée par les résidents et anciens propriétaires des parcelles. Une cinquantaine de ménages s'insurgent contre la régie des eaux qui n'a pas jusqu'aujourd'hui octroyé de l'électricité à cette population qui dut avoir déjà versé les frais de raccordement à cette régie de l'eau et de l'électricité il y a longtemps. Je ne suis pas encore servi. J'ai déjà payé et voici même les factures de paiement. Ce que nous demandons à la régie des eaux est de venir ici réitérer pour vous donner de l'électricité à ceux qui ont déjà payé de l'argent. Privée de l'eau et de l'électricité, cette population dit faire face au banditisme nocturne et aux maladies dues au manque d'hygiène. Le problème posé est que quand nous demandons à la régie des eaux, la réponse reste toujours patiente. Alors, patienter jusqu'à quand? Aujourd'hui, Nous avons deux problèmes de banditisme qui profitent de cette obscurité. Anissé Harimenshi est chef de cellule Kizingwe Bihara. Il affirme que sa population est divisée en deux, ceux qui ont de l'électricité et ceux qui n'en ont pas suite aux conditions exigées par la régie des eaux. Toutefois, cette autorité plaide pour qu'il n'y ait pas de discrimination. D'une manière générale, ceux qui ont construit après ont eu de l'électricité. Mais je ne peux pas affirmer qu'il y a eu de discrimination parce qu'une petite partie des anciens a été servie. Mais ce sont des décisions prises après qui ont touché tout le monde. Nous demandons que la régie des eaux puisse régler cette question. C'est vraiment choquant de voir ton voisin ayant de l'électricité alors que d'autres n'en ont pas. Solan étant le ministère des Infrastructures et ayant adressé mi-décembre 2022 une correspondance à la régie des eaux interdisant l'octroi de l'eau et de l'électricité à ceux qui ont construit des maisons sans autorisation de bâtir dans certains quartiers, Kizingwe Bihara y compris. L'autorisation de bâtir étant le document exigé aujourd'hui pour être servi à la régie des eaux. C'était un reportage de Grâce Bikorimana, stagiaire à notre station. En bref, les suggestions données par les jeunes ministres ayant la jeunesse dans ses attributions lors des descentes effectuées par ce ministre dans les provinces sont en cours d'exécution, annonce faite ce jeudi dans la capitale politique Gitega par le ministre Ezekiel Nibigila. En ouvrant officiellement le Forum national de la jeunesse qui va durer 2 jours au stade Ingoma sous le thème « Jeunes, changeons de mentalité en préparant notre lendemain meilleur ». Ce forum a connu la participation de plusieurs autorités, y compris les gouverneurs de province. Le ministre ayant en charge la jeunesse a demandé aux jeunes d'honorer le président de la République, récemment nommé champion des questions des jeunes africains par l'Union africaine, en travaillant beaucoup pour augmenter la production. Il est prévu que ce forum soit clôturé ce vendredi par le président de la République. Il est 13h04 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les écoles ayant des cantines scolaires attirent beaucoup d'élèves dans la province Kirundo. Ce sont les propos du directeur provincial de l'enseignement de Kirundo qui précise que ce programme n'est pas instauré sur toutes les écoles. Dans cette province du Nord, Léocadi Muka Porona dresse un effectif de près de 8000 cas d'abandon scolaire pour le premier trimestre de l'année scolaire en cours. Ce responsable de l'éducation à Kirundo sollicite l'implantation de ce programme sur tous les établissements scolaires de Kirundo. On l'écoute. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été sélectionnées pour les cantines scolaires, mais il y a d'autres qui n'ont pas ce programme, surtout les écoles qui sont dans la ville. Mais pour les écoles qui sont dans les villages, ce programme y est. Il y a un avantage car beaucoup d'élèves s'y font enregistrer. Même les parents préfèrent les écoles où il y a le programme des cantines scolaires. Lorsqu'il y a deux écoles proches, l'une ayant ce programme de cantine scolaire et l'autre ne l'ayant pas, beaucoup d'élèves se font inscrire à cette école qui a la cantine scolaire. Ici chez nous, il y a beaucoup de cas d'abandon, surtout à ces écoles à cantine scolaire. Lorsqu'il y a interruption de la nourriture, beaucoup d'élèves abandonnent. Il y a d'autres qui abandonnent l'école pour d'autres raisons, mais sans toutefois être causés par le manque des cantines scolaires. Au premier trimestre jusqu'à sa fin, on avait un effectif d'abandon de 7989, ceux de l'école fondamentale combinés avec ceux de l'école post-fondamentale. Mais beaucoup sont de l'école fondamentale. Nombreux sont des garçons. Normalement, chaque province a ses problèmes. Cette province, lorsque la production est bonne, tout va bien, les élèves restent à l'école. Mais c'est une province qui est souvent secouée par la sécheresse. Lorsqu'il y a de la sécheresse et qu'il n'y a pas d'eau à la production, cela devient un obstacle de taille des abandons scolaires. C'était Léocadi Muka Porona, directrice provinciale de l'enseignement en province de Kirundo. Un militaire du camp Rukinga dans la ville de Rumonge est dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis l'après-midi de ce mardi. Ce catéchiste dans une succursale de ce camp est soupçonné d'avoir violé une fille à la recherche d'une carte de baptême, selon ses proches. La police confirme cette rétention et son dossier a été transmis au parquet de Rumonge ce mercredi, selon la police. Le concubinage et l'exclusion de la femme dans la gestion des biens de la famille, telles sont parmi les causes de la mauvaise cohabitation entre les couples. D'après l'administrateur de la commune Nhega, il interpelle la population et l'administration à la base d'alerter précocement sur tous les cas des conflits conjugaux afin de prévenir les cas d'assassinat comme on en a connu ces derniers temps. Agnès Naumagadze. Comme l'indique l'administrateur de la commune Nhega, Pierre Claver Bantabugabo, toutes ces femmes tuées l'année passée, leurs maris avaient des concubines, ce qui les poussait à vivre dans une situation de conflit intense et de violence. Comme la même source continue à l'informer, souvent les causes de ces conflits et tueries sont liées au concubinage, au refus de mari, de la mise en exécution de la décision des tribunaux qui donne souvent la responsabilité à la femme de la gestion des biens de la famille. À côté de cela, l'administrateur de la commune Nhega ajoute qu'il y a aussi des hommes qui vivent dans une situation de violence faite par leurs femmes. Il interpelle la population de cette commune et l'administration à la base d'informer très tôt sur tous les couples qui vivent dans des conflits afin de prévenir d'autres cas de tuerie des femmes par leurs époux. Le chef du cabinet du gouverneur, qui a rehaussé de sa présence dans ces activités, interpelle aux religieux d'organiser des séances de dialogue des couples pour leur prodiguer des conseils qui les aideront à vivre en harmonie et qu'il n'y ait pas encore des cas de tuerie de femmes dans cette commune. Il espère que dans cette année, ces tueries de la commune Nhega cesseront et que tous les couples vivront en harmonie. Depuis Kirundo, Agnès Nhomagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès pour cette correspondance. C'est sur un nombre estimatif de 10 millions de parcelles au niveau national. Moins de 2% sont enregistrées par les services fonciers. Dans un atelier de présentation de l'expérience du projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi, ayant pour composante la certification foncière, ce jeudi, il a été annoncé que plus de 450 000 certificats fonciers avaient déjà été produits jusqu'à décembre 2022. Le manque de formation de nouveaux agents fonciers et administrateurs communaux étant l'un des défis majeurs qui freinent le travail d'enregistrement foncier. Et le ravin se trouvant dans la cellule Mugoboka 1 dans le quartier Mutanga Sud menace les infrastructures publiques. Le centre de santé Mugoboka 1 et la route reliant les cellules Mugoboka 1 et 2 sont déjà fermées. Les habitants et autorités à la base qui se sont exprimés appelle les plus hautes autorités du pays à réhabiliter ce ravin qui ne cesse de s'agrandir. Suivez ce micro-baladeur. On nous a interdit de passer par cette route pour se rendre piler nos produits. Vous entendez que nous sommes menacés ici à Mugoboka. La protection civile est venue et nous a informés dans une réunion de ne plus passer par cet endroit. Nous sommes prêts pour déménager, mais nous ne voyons pas où aller, car il n'est pas aisé de demander l'abri étant une famille. En réalité, la situation est très chaotique parce qu'il y a des jours où nous assistons à cette malaise. C'est très difficile parce que vous voyez que l'église est déjà en situation de fissure. Il y a aussi ce petit hôpital qui est aussi en situation de fissure. Donc c'est très difficile. Pour question d'hospitalisation, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des maisons là-bas qui sont déjà détruites. Mais aussi, vous voyez que nous vivons grâce à des choses qui proviennent d'autres endroits. Alors même les voitures sont déjà bloquées. C'est donc difficile d'avoir de la nourriture. C'est la raison pour laquelle nous demandons avec insistance les hautes autorités de venir nous assister. Il faut que les hautes autorités aussi viennent assister à cette malaise. Franchement, par là, il n'y a pas d'autre chemin qui relie Mugoboka et Ede. Et moi, je me demande comment nous allons atteindre Mugoboka alors qu'il n'y a pas d'autre route. Peut-être que le gouvernement peut-être va détruire d'autres maisons afin de tracer peut-être une autre route. Sinon, Mugoboka et Sosé par de Mugoboka. Nous n'avons qu'un seul centre de santé. Donc, si on est malade la nuit, par exemple, ça devient de plus en plus difficile. Des habitants de la cellule Mugoboka 1, 2, dans le quartier Mutanga Sud, menacés par un ravin. En actualité africaine et internationale, l'une mystérieuse maladie qui a tué 5 personnes en Tanzanie a été identifiée comme provenant du virus de Marbourg, un cousin d'Ebola qui provoque lui aussi une fièvre hémorragique. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministère de la Santé. Les résultats de notre laboratoire de santé publique ont confirmé que la maladie était provoquée par le virus de Marbourg, a déclaré la ministre de la Santé, Oumu Mwalimu, appelant la population au calme car le gouvernement a réussi à contenir la propagation de la maladie. 3 patients sont hospitalisés et 161 contacts sont suivis par les autorités, a-t-elle ajouté. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a salué la réaction rapide à l'épidémie, ajoutant qu'elle était prête s'il fallait s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la réponse sanitaire. Et j'appelle les responsables communautaires à unir leurs efforts avec le gouvernement pour s'assurer que les contacts des malades sont identifiés et que ceux qui ont besoin de soins les reçoivent en temps voulu, a déclaré Zabulon Yoti, un représentant de l'OMS. L'hôte naturel du virus de Marbourg est une chauve-souris africaine frugivore qui en est porteuse mais n'en tombe pas malade. Le virus tient son nom de la ville allemande de Marbourg où il a pour la première fois été identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes verts infectés importés d'Ouganda. Une information que nous devons à nos confrères du site Actualité CD. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi.